Les aventures de Todd Marvel, détective milliardaire, par Gustave Le Rouge, lu par Stanley. Deuxième épisode, le jardin des gémissements. Chapitre 1er, une fête de milliardaires. Ce jour-là, toute la ville de San Francisco, une des plus vivantes et des plus bruyantes villes du monde, était en pleine effervescence. À la bourse de Montgomery et dans Market Street, et jusque dans la ville chinoise et dans le faubourg d'Orient, on ne parlait que de la fête que donnait le soir même le banquier Josias Orman Rabington, propriétaire et directeur de la Mining Mexican Bank, au capital de 200 millions de dollars. Quelques jours auparavant, les plus notables personnages du monde de la finance avaient reçu l'invitation suivante. « Mister et Mrs., vous êtes priés de vouloir bien assister au dîner suivi du bal, qui sont offerts à ses amis à l'occasion de son retour à la jeunesse, par Mister Josias Orman Rabington, en sa villa des Cèdres, le mercredi 20 septembre à 19h très précise. » En traitement depuis 2 mois dans la maison de santé du docteur Klaus Christian, le banquier allait reparaître, débarrassé du poids des années par la vertu des greffes merveilleuses. La curiosité était arrivée au plus haut point. Des paris énormes étaient engagés sur la question palpitante de savoir si Rabington était de 60 ans, revenu à 40, à 30 ou même à 20. Les plus imaginatifs penchaient audacieusement vers cette dernière hypothèse. Les procédés employés par le docteur Christian, jusqu'alors rigoureusement tenus secrets par lui, faisaient l'objet de discussions non moins vives. Les uns affirmaient qu'ils s'étaient servis des glandes arrachées à des orangs-outans venus de Java à grands frais, d'autres parlaient d'un mystérieux topique, ou entrer des sels de phosphore et de fluor, des extraits de jaborandi et d'autres plantes du Brésil, et qui avaient la magique vertu d'effacer les rides, de rendre aux artères ossifiées une juvénile élasticité, et même de faire repousser les cheveux et les dents. Quant aux heureux détenteurs des cartes d'invitation, ils étaient en proie à la plus trépidante impatience. La journée leur parut à tous longue comme un siècle. La fièvre de la curiosité, l'acceptment, comme disent les Américains, était telle que, dès 17h, les premières autos commencèrent à arriver en face des grilles dorées de la villa des Cèdres, où elles formèrent bientôt une file imposante. Les invités étaient reçus au perron par des domestiques noirs, en livrée écarlate, galonnés d'or, et introduit dans un vaste salon d'attente qui s'ouvrait sur le parc de la villa, où les eaux jaillissantes, les tulipiers en fleurs, les magnolias, les flamboyants, les jasmins de la Floride, les roses de Californie, composaient un décor de rêve. Par-delà cet océan de fleurs, on apercevait les troncs géants des séquoias et des cèdres millénaires qui donnaient l'illusion d'un coin de forêt vierge. Bientôt, la plus brillante société de San Francisco se trouva groupée dans le salon d'attente. Le célèbre détective John Jervis, ami personnel du banquier, qui se trouvait au nombre des invités ainsi que son collaborateur, le Canadien Floridor Kennel, reconnu et salua dans cette cohue étincelante et parie l'armateur milliardaire Robinson Barney, Robin Eliphaz, directeur du Trust du Platine, Stephen Gardel, le célèbre constructeur de locomotives, Manuel Gasco, le grand propriétaire de forêts, Nicole Spruce, qui possédait toute une rue et 20 autres, dont le plus pauvre avait au moins 1 milliard. Quant aux Canadiens, ils n'avaient Dieu que pour la partie féminine de l'assemblée, et ils contemplaient avec une naïve admiration les rayonnantes beautés que John Jervis lui désignait complaisamment au passage. « Cette admirable blonde, » dit le détective, « est la fille aînée de Lord Stevenage, une Anglaise, Sa rivière de diamants et son aigrette valent une fortune. Sa voisine, cette rêveuse et frêle beauté aux yeux couleur d'aigue marine, qui fait songer à l'Ophélie du poète, et Mrs. Robinson Barney. On dirait une fée des eaux avec son diadème et ses colliers de perles roses. Cette rousse opulente à la parure d'émeraude, à la peau blanche comme le lait, est Miss Nicole Spruce. Cette énumération fut brusquement interrompue. La monumentale horloge d'argent qui s'élevait au fond du salon avait commencé à sonner les 7 coups de l'heure. Au murmure des conversations avait succédé un impressionnant silence. Les dames frissonnaient d'une délicieuse émotion, faite de la fièvre de l'attente et du plaisir, de la curiosité satisfaite. Le 7e coup n'avait pas achevé de tinter que la porte du fond s'ouvrait à 2 battants, en même temps qu'un majordome à chaîne d'argent annonçait d'une voix vibrante « Miss Elsie Godescal, Mister le docteur Klaus Christian, Mister Josiah Solomon Rabington. » Personne ne prêta la moindre attention au docteur, ni à Miss Elsie, la pupille du banquier. On avait Dieu que pour l'homme rajeuni qui s'avançait avec un orgueilleux sourire. Il y eut quelques minutes de tumulte. Une vraie bousculade se produisit. Tout le monde voulait serrer la main du banquier, le voir de près, l'entendre parler. Les cris, les exclamations, les hurrahs frénétiques se mêlaient dans un vacarme assourdissant. « Hip hip hip hurrah ! Vive le jeune Rabington ! On lui donnerait tout au plus 36 ans. C'est merveilleux. » Voyez quelle souplesse, quel feu dans le regard. Et pourtant, l'expression de ses traits est la même. Il n'est pas sensiblement changé. Sauf que ses cheveux ont repoussé. Et ses dents. Cette petite moustache noire coupée court lui sied à ravir. Il est superbe. Rabington, les mains broyées par les check-ins, le plastron de sa chemise déjà chiffonné, l'habit fripé, se prêtait de bonne grâce à l'enthousiasme curiosité de ses hôtes. Les dames surtout étaient terribles. Elles ne se rassasiaient pas de le voir, de le palper et même de le pincer. Et il se trouva une petite miss aux yeux bleus, à la mine candide pour lui tirer sournoisement les cheveux, afin de s'assurer qu'il ne portait pas une perruque. De la meilleure grâce du monde, Rabington se laissait faire, répondant sans impatience au check-end, aux compliments et aux questions, et souriant d'un air de condescendance débonnaire. Au milieu de ce joyeux tumulte, John Jervis, dont les puissantes facultés d'observation ne restaient pas une minute sans s'exercer, remarqua 2 choses. D'abord, la mine ironique et méprisante du docteur Christian, qui, retiré dans un angle du salon, souriait sardoniquement en haussant les épaules. Le docteur était petit et ventripotent, ses bras trop longs balançaient de formidables poings, noueux et velus. Sa face carrée aux mâchoires lourdes, surmontée d'une forêt de cheveux d'un roux désagréable, exprimait la brutalité et la bassesse, et ses petits yeux porcins aux sourcils pâles reflétaient la ruse et la perfidie. Ce docteur a beau être un grand savant, songea le détective, il a tout l'air d'un parfait coquin. La seconde chose qui attira l'attention de John Jervis fut l'attitude de Miss Elsie, la pupille du banquier, qui se tenait, elle aussi, à l'écart de la cohue, souriant faiblement à la scène qui se déroulait devant ses yeux. Il sembla au détective que ce sourire était contraint et dissimulé, une secrète appréhension, un ennui ou un mécontentement, il ne savait au juste. Mais celle-ci était très belle, d'une sculpturale beauté. Grande et svelte, la taille souple et ronde, le buste harmonieusement développé, elle offrait un visage régulier, d'un ovale pur, que couronnait une opulente chevelure d'un blond cendré. Ses prunelles limpides, était du bleu rare du lapis lazuli. dans le noble dessin du nez, aux ailes vibrantes, de la bouche, alors que purement dessiné, dans les mains fines, aux longs doigts fuselés, il y avait une distinction profonde. On devinait en mis celle-ci une nature profondément aristocratique, douée d'une sensibilité suraiguë, presque maladive. Une expression de douceur tempérée, ce que cette physionomie eût offert de dur, de fermé et de mystérieux. Telle qu'elle était, Miss Elsie Godescal était ensorcelante. La première fois qu'il l'avait vue, le détective avait été profondément impressionné par le charme délicat qui émanait de la jeune fille, et tous deux s'étaient sentis attirés l'un vers l'autre par une mutuelle sympathie. En quelques conversations, il avait découvert chez Miss Elsie un grand bon sens, une loyauté parfaite, une culture intellectuelle très avancée. Depuis, ils s'étaient toujours rencontrés avec plaisir. Leurs idées étaient les mêmes sur beaucoup de points. John Jarvis se disposait à se rapprocher de la jeune fille lorsque s'ouvrirent les portes du hall transformé pour la circonstance en salle à manger. Bien qu'il ne fît pas encore nuit, le grand lustre de verre colorié avait été allumé, montrant les tables étincelantes de vaisselles plates et de cristaux, dressées au milieu des massifs d'arbustes, illuminées de petites lampes électriques de toutes les nuances. Le détective chercha vainement à prendre place à côté de Miss Elsie. Distraite ou désirant s'isoler, elle s'était assise entre deux richissimes marchands de bœufs du Far West, gens peu loquaces et d'une galanterie sommaire. Derrière chacun des convives, un domestique noir avait pris place, attentif et silencieux. John Jarvis, que le hasard avait placé entre la blonde Miss Stervenjage et la rousse Miss Press, lut complaisamment à ses voisines le menu gravé sur des feuilles d'ivoire et qui était digne de la richesse de l'amphitryon. Ce menu comprenait entre autres raretés gastronomiques, un colossal saumon grillé, piqué de truffes, servi sur un lit d'huîtres et de crevettes avec une sauce verte au ravensara, un gigot de guanaco des Andes, à l'écossaise, des carices de faisan, de dindonneaux sauvages et de tortues vertes, une grande outarde, ce roi des gibiers qui possède cette sorte de chair, toute d'une couleur et d'une saveur différentes, entièrement farcie de becfig et de bécassine, entouré de choux palmistes à la crème, des pigeons des mollusques nourris de noix de muscade, des lézards iguanes, grillés accompagnés d'une sauce indienne au gingembre, etc., etc. À la grande satisfaction des convives, ce splendide repas, en dépit des sévères lois américaines, ne devait pas être un repas sec, chargé d'affaires de plusieurs républiques de l'Amérique centrale. Le banquier jouissait de l'immunité diplomatique, comme l'attestait le buffet dressé au fond du hall, et couvert de vénérables flacons. Les hors-d'œuvre n'étaient pas achevés qu'une joie tapageuse commença à se manifester. Certains invités buvaient déjà du champagne frappé. Le visage des plus réservés parmi les misses se colorait insensiblement d'une charmante rougeur, et leurs beaux yeux lançaient des flammes. De temps en temps, de longs et bruyants éclats de rire s'élevaient et dominaient un instant le tumulte des conversations. John Jarvis, qui par principe buvait et mangeait très peu, ne quittait pas des yeux Miss Elsie. Il constata que la jeune fille ne touchait à aucun des mets qui lui étaient offerts. De plus en plus, elle paraissait préoccupée, absente, et ses rares sourires avaient quelque chose de contraint. Le détective observa à ce moment que Rabington et le docteur Klaus Christian, assis l'un près de l'autre à un bout de la table, se désintéressaient complètement de ce qui se passait autour d'eux. Ils avaient entamé à voix basse une discussion animée, mais qui ne semblait rien moins qu'amicale, car de temps en temps le docteur serrait ses poings énormes dans un geste menaçant, et le banquier, les sourcils froncés, paraissait faire de violents efforts pour ne pas laisser éclater sa colère. Sauf le détective. D'ailleurs, aucun des convives ne s'occupait d'eux. La gaieté allait crescendo et la réunion, à mesure que disparaissaient les bouteilles d'extra dry, devenait de plus en plus houleuse. On en était au dessert. Avec un sans-gêne bien yankee, un certain nombre de gentlemen avaient déserté les tables et allumé d'énormes Havane baguettes d'or. Ils formaient un groupe compact en face du buffet où les sommeliers leur versaient à pleine coupe du champagne frappé et des cocktails incendiaires. Les deux indigènes du Far West étaient au nombre de ces intrépides buveurs. Ils avaient égoïstement abandonné leur voisin de table, Miss Elsie, sans même un mot d'excuse. John Jarvis voulut profiter de cette circonstance pour aller s'asseoir près de la jeune fille. Et il était arrivé à quelques pas d'elle quand la sonnerie grêle du téléphone retentit dans une pièce voisine. Miss Elsie, habituée à servir de secrétaire à son tuteur en maintes occasions, s'était levée pour aller prendre la communication. Par la porte demeurée entr'ouverte, le détective vit la jeune fille approcher de son oreille le cornet d'or massif, mais presque aussitôt elle jeta un cri d'épouvante et roula, comme foudroyé sur le tapis épais qui couvrait le sol. Son visage était devenu blême. Elle s'était évanouie. Il y eut quelques minutes de désarroi. Tous les convives s'empressaient autour de la pupille du banquier. Mais avant que personne eût le temps d'intervenir, le détective s'était élancé, avait pris la jeune fille dans ses bras, l'avait déposée doucement sur un divan et lui faisait respirer un flacon de lavender salt. Au bout de quelques secondes, elle ouvrit les yeux, mais pour les refermer presque aussitôt, une indicible épouvante se peignait sur son beau visage. Robinson et le docteur Christian accouraient, fendant la cohue des curieux. « Merci de vos soins, » dit sèchement le docteur à John Jarvis, « mais je vais m'occuper de la malade. Rien de grave d'ailleurs, une simple syncope due à la chaleur. » Il ajouta en se tournant vers les invités, « Mais celle-ci a surtout besoin de grand air et de silence. Son malaise sera dissipé dans peu d'instants, pourvu qu'on veuille bien nous laisser la soigner tranquillement. » Déçus dans leur curiosité, les convives évacuèrent la pièce dont la porte se referma. L'instant d'après, Robinson reparaissait la mine souriante. « Soyez rassurés, ladies and gentlemen, » dit-il gaiement. Mais celle-ci est revenue à elle. Elle va aussi bien que possible. Mais elle a exprimé le désir de regagner ses appartements pour y prendre un peu de repos. Dans une heure au plus, le docteur l'affirme, elle sera complètement remise. L'absence momentanée de ma pupille ne changera rien d'ailleurs à notre programme. Et du geste, il montrait par la grande verrière qui faisait le fond du hall, le parc illuminé à Giorno, et où les serviteurs achevaient de disposer un velum de soie orange qui devait abriter une salle de bal improvisée en plein air. Au milieu des massifs de fleurs, dans le lointain, un orchestre de 50 musiciens, installé sous un berceau de verdure, accordait ses instruments. Le banquier jeta sur ses préparatifs un regard satisfait. Après le feu d'artifice, expliqua-t-il à John Jarvis, bal jusqu'à minuit. Puis, bal et pantomime sur la scène du théâtre de verdure. À 1 heure, souper par petite table. Puis bal encore jusqu'au lever du jour, pour ceux qui ne seront pas trop fatigués. Et sans attendre la réponse du détective, Robinson pivota sur les talons avec une agilité toute juvénile et se dirigea vers un autre groupe. John Jarvis attendit jusqu'au souper, dans l'espoir de revoir Miss Elsie. Mais la jeune fille ne parut pas. Le docteur Klaus Christian expliqua qu'il lui avait administré une potion calmante et qu'après une nuit de bon sommeil, il ne resterait plus trace de l'indisposition. D'ailleurs, ni le docteur, ni le banquier ne fournirent d'explications sur la cause qui avait déterminé l'évanouissement de Miss Elsie.